Ainsi s'achève votre nuit rêvée, Didier Blonde, nuit rêvée au cours de laquelle il a été question, grâce aux archives de l'INA, de Ciné-Club Musidora, du jour au lendemain, J.B. Pontalis, pas Jean-Bertrand Pontalis, ça ne se dit pas, J.B. Pontalis au micro d'Alain Weinstein en 2002, Juliette Gréco qui disait des textes de Jules Supervielle, dont L'inconnu de la Seine, puis L'affaire de la rue de l'Oursine, la pièce de Eugène Labiche, puis un grand angle que François Angeli avait consacré au figurant, le physique de l'emploi ou être figurant, une émission de Noël Simsolo sur Rocambole, puis à l'instant, ce clap sur François Truffaut. Figurant, c'est le titre, le figurant, c'est le titre de votre dernier roman, Didier Blonde, qui est publié chez Gallimard, dont on a parlé au cours de nos entretiens. On a parlé aussi du répertoire des domiciles parisiens de quelques personnages fictifs de la littérature, publié aux éditions La Pionnière, d'un amour sans parole consacré à votre Suzanne. Suzanne Grandet. Voilà, je dis votre parce que oui. À partir du moment où les personnages réels deviennent des personnages, où les personnes réelles deviennent des personnages de fiction, grâce à Didier Blonde, enfin de fiction, en tout cas de réinvention, d'enquête, ça devient, voilà, ces personnages appartiennent à Didier Blonde. Ah, mais je pense que je suis le spécialiste de Suzanne Grandet maintenant en France. Bon. Puis, chez l'un et l'autre, chez Gallimard, et puis donc L'inconnu de la Seine également, et puis le prix Renaudot Essai 2015, Leïla Maï, 1932, qui est republié en folio. Il y a un personnage dont je crois qu'on l'a cité dans la première partie de notre entretien, lorsqu'on évoquait Feuillade et autres personnages, Gaumont, voilà, Alice Guy. Alors, Alice Guy, vous avez travaillé aussi sur Alice Guy, première réalisatrice. Vraiment, voilà, c'est la première réalisatrice de l'histoire du cinéma, une femme exceptionnelle, oui, et la première dans un métier dans lequel il n'y en a pas eu beaucoup, hein, parce que il y a eu Germaine Dulac, et puis Musidora, dont on parlait tout à l'heure, qui a été la troisième réalisatrice de l'histoire du cinéma. Alice Guy, la première, et pas uniquement réalisatrice. On peut voir ses films d'ailleurs. Hein. Il y a oui, un coffret Gaumont. Voilà. Maintenant, je présentais là. J'ai fait le petit. Alors, présentation. Je vous parle d'Alice Guy parce qu'on pourra non pas la nuit prochaine, ce soir à minuit, mais la nuit suivante, c'est-à-dire dans la nuit de lundi à mardi, cette nuit commencera par une émission consacrée à Alice Guy. Et qui est Alice Guy? C'était au milieu des années 70, et là, on ne pouvait voir aucun de ses films, donc La Fée aux Choux, par exemple. Voilà, impossible c'est le à film voir. Qu'on voilà. cite tout le temps. Mais maintenant, on peut en voir. Maintenant, on peut en voir. Mais en tout cas, en 75 ou 76, quand il était question, quand cette émission était diffusée, on ne pouvait pas voir. Il y a une... comment ça s'appelle, c'est Elisabeth Huppert qui a fait un film qui lui est consacré, oui. Hein, c'est ça, hein, on en a reparlé, c'est dans les années 70, là, à ce moment-là, c'est ça. Elle a été non seulement réalisatrice, la première réalisatrice, mais également, elle était directrice artistique des établissements Gaumont. Voilà, c'est elle qui a fait engager Feuillade. Mais écoutez, il est trop tard ce matin pour qu'on parle d'Alice Guy, qui sera donc l'héroïne, enfin, en tout cas, le sujet d'une émission dans 36 heures. On rappelle le titre de votre roman, Didier Blonde, Le Figurant, et puis Leïla Maï, 1932, donc le prix Renaudot, Essai 2015, et puis après ça se passera comme vous faites pour les enquêtes, c'est-à-dire que les lecteurs qui vous découvrent peut-être cette année, peut-être cette nuit, qui sait, eh bien, vont aller chercher dans toute l'œuvre de Didier Blonde. Toutes ces émissions sont à réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique des Nuits de France Culture. Philippe Garbi, Anthony Thomasson, Hassan Mberchour, Virginie Mourtet, très bonne journée à toutes et à tous, et à vous donc en premier lieu, Didier Blonde. Merci à vous, Philippe Garbi. Tu t'en vas à la dérive sur la rivière du souvenir, et moi courant sur la rive, je te crie de revenir, mais lentement tu t'éloignes, et dans ma course éperdue, peu à peu je te regagne un peu du terrain perdu. De temps en temps, tu t'enfonces dans le lit.